Mardi matin, exclusivité mondiale. Moi, Max de Star System, j'ai décidé d'envoyer mes deux envoyés spéciaux les plus barrés de la planète, Gérard et Sandy, qui seront à l'avant-première du plus grand film de tous les temps avec Jean Reno, Godzilla. Donc en direct mardi matin de 16h à 9h, on vous réveillera, on vous mettra le feu en direct de New York pour l'avant-première de Zvan Zilan avec Robert De Niro. Gérard et Sandy, il y aura qui dans la salle pendant l'avant-première? Alors il y aura Arnold Schwarzenegger, Stallone, Jean Didier, Wendy Jacksonette, Colombo, Robert De Niro et bien sûr le président de la République des USA, Bill Clinton. Alors, à mardi matin 6h pour en exclusivité mondiale, l'avant-première du film Godzilla avec nos envoyés spéciaux Gérard et Sandy sur Fun Radio.